Vous le savez, aujourd'hui, c'est une spéciale Noël et je sais que le Père Noël nous écoute. Alors, s'il nous écoute, prends un stylo car nous avons préparé une liste de Noël. Chacun votre tour, vous allez dire votre liste. Florian, on attaque avec toi. Oui, alors je voudrais, s'il vous plaît, mon permis de conduire. La meuf croit que c'est ses bonnes résolutions. L'Olympia pour le Maccabée, ce serait bien qu'on joue là-bas. Et alors vraiment, si jamais il nous écoute, un drone. C'est très drôle. Ça, c'est le vrai. Putain, il l'a préparé depuis hier. Ça, c'était le vrai cadeau. C'est parce tout. Que Arnaud a eu un. Arnaud a eu un drone pour ses 33 ans. La semaine passée, ouais. Guilin. Alors moi j'ai demandé des chaussettes parce que j'en avais plus. Oh. Ça fait rêver. Et sinon j'ai demandé le DVD du Pont des Espions et du Bon Gros Géant parce que voilà, Spielberg et tout ça. Bon, on te l'offrira. Voilà. Enfin, le Père Noël. Oui. Arnaud. Oui, alors moi j'ai demandé un pull en cachemire, un jeu PS4 et la paix dans le monde. Merci Miss France. Ça va puer, hein. Léa. T'auras pas le dernier. Alors, moi j'ai demandé, ça rejoint un petit peu le cadeau de Floriane parce que j'aimerais beaucoup de monde dans ma salle de théâtre pour un Maccabée dans la baignoire. Ouais, venez. J'aimerais une péniche. Ah oui. C'est trop chou. Tu parles portugais? Oh là là. Et j'aimerais faire un voyage en Islande. Ouais. Vous savez que c'est le Père Noël, hein, c'est pas le génie de la lampe. Pourquoi c'est chez lui, l'Islande, il peut m'inviter chez lui. C'est pas le génie de la lampe, les mecs. Hein. Jean-Paul. Alors moi, j'aimerais un rôle récurrent dans une série télé à succès, ça ferait bien. Ça ferait Game bien. Of Thrones. Voilà. Et puis, j'aimerais moi un billet d'avion pour Syracuse, parce que j'ai toujours rêvé d'aller à Syracuse et je suis jamais allé. Donc voilà. Ah d'accord. Aller à Syracuse. Rajeunir, non. Non. C'est méchant. Mais frappez-le. Je suis parti. Gilles. D'abord, le Père Noël est beaucoup plus avec moi. Alors, c'est vrai. Voilà, d'accord. Moi, j'aimerais beaucoup, évidemment, l'intégrale de mes kikis en DVD. Il serait temps à un moment donné de tous les sortir. Voilà. Tous les kikis de Gilles. Voilà, exactement. C'est un bel intégral. Une rencontre avec Roger Carrel, évidemment, parce qu'on en parle, mais ouais. Voilà, ce serait bien de le rencontrer. Bah, avant qu'il meure. C'est sur la bonne voie. J'avais pas fini ma phrase, moi. Et alors, un peu plus dur, mais bon, quand même, un autographe de Arnaud Laurent, parce que je découvre l'ensemble de sa carrière d'émission en émission, et je suis de plus en plus admiratif de toutes ses voix, tout ça. Eh bien, le Père Noël est là, et va te donner ton cadeau. Et toi, Thibaut, t'as une liste Père Noël ? Alors, moi, j'aimerais bien avoir plus d'auditeurs sur Japan FM. Ouais, venez, les copains. C'est le Père Noël ! C'est pas le génie de l'homme. J'aimerais bien qu'on m'offre des cours de japonais. Ouais, ce serait pas mal. Voilà. Et j'aimerais bien une perceuse. Ah, j'en ai. Enfin, non, on me l'a prêté aussi. Pour percer dans le métier. Merci. Oh, là, joli. D'accord. Ah, okay. Là, bah, je vous propose qu'on enchaîne.